بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات bienvenue aux chers frères et sœurs. On continue aujourd'hui inshallah ta'ala cette série de cours 10 raisons empêchant l'application de la science ou la mise en pratique de la science. Le fait que l'individu soit au courant de certains jugements dans la législation, il est au courant que ça c'est licite, que telle chose est illicite. Il sait que telle chose est obligatoire, il ne va pas le faire. Il sait que telle chose est interdite, il va la faire. Quelles sont les causes qui vont entraîner cela, donc les causes qui vont empêcher la mise en pratique de ce que nous connaissons. Nous avons vu la première cause la semaine dernière. On a vu la première cause, le manque de science, le fait de ne pas connaître réellement les conséquences de nos actes. Et ensuite, deuxièmement, il nous dit l'auteur, Rahimahullah, Ibn al-Qayyim, il dit, Rahimahullah, As-Sani, Ademul Ahliya. La deuxième cause, c'est le fait de ne pas avoir la capacité. Qu'est-ce qui est voulu ici? Le fait de ne pas avoir la capacité de mettre en pratique sa science. Le fait, en réalité, ce qui est voulu, c'est la yastahiq. C'est-à-dire qu'il ne mérite pas. Il se peut que la personne ne mérite pas cela. La yastahiqu an yakuma bi hadha al-amal. Il ne mérite pas d'accomplir cet acte d'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné la science. Mais la science nécessite d'être dans un récipient où dans un élément qui soit pur. Tu me demandes de l'eau et tu me tends un verre sale. Je verse de l'eau propre dans ce verre, fraîche. Est-ce que tu peux boire de cette eau? Non, l'eau a été souillée à cause du récipient. Et donc cette personne a eu la science, mais elle ne mérite pas l'accomplissement de ses œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Si Allah connaissait un bien en eux, il les aurait fait écouter. Si Allah connaissait un bien en eux, il les aurait fait écouter. Rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. En ce qui concerne celui qui a donné et qui a fait preuve de piété et qui a cru en el husna, le paradis, alors nous allons lui faciliter toute chose, toute bonne chose, tout khayr, Allah va te faciliter tout bien. Mais en ce qui concerne ceux qui ont été avares et qui se sont crus autosuffisants, ils pensent ne pas avoir besoin de suivre la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui a traité cela de mensonge, alors nous allons lui faciliter le mal. Nous allons lui faciliter donc tout ce qui est difficile et nous allons lui faciliter ce qui est mauvais. Et donc ici, barakallahu fikum, cette personne, cette œuvre de bien ne lui a pas été facilitée. Le fait de se lever la nuit, le fait de pouvoir prier Fajr à la mosquée, le fait de pouvoir apprendre sa religion, cette œuvre de bien ne lui a pas été permise. Pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas. Beaucoup disent, je n'arrive pas à apprendre, je n'arrive pas à ci, je n'arrive pas à ça. Regardons nos péchés, oh cher frère. Est-ce que notre récipient est propre? Regarde, est-ce que ton verre est propre, oh mon frère, oh ma sœur, avant de demander qu'on te verse de l'eau. Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, وَقَدْ تَكُونُ مَعْرِفَتُهُ بِهِ تَامَّةٌ لَكِنْ لَا يَكُونُ مَشْرُوطًا بِزَكَاةِ الْمَحَلِّ وَقَبُولِهِ لِلتَّزْكِيَةِ فَإِذَا كَانَ بِزَكَاةِ الْمَحِلِّ وَقَبُولِهِ لِلتَّزْكِيَةِ فَإِذَا كَانَ الْمَحِلُّ غَيْرَ زَكِيٍّ وَلَا قَابِلٍ لِلتَّزْكِيَةِ كَانَ كَالْأَرْضِ الصَّلْدَةِ التي لا تخالطها ماء فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها سبحان الله. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il nous dit ici, il se peut que la personne ait une connaissance de cette chose, une connaissance parfaite de cette chose. Ma'rifatama. Cependant, cette personne n'a pas la condition nécessaire, le fait tazkiyat el-mahil, c'est-à-dire que l'endroit dans lequel cette science a été donc placée n'est pas pur. La personne n'a pas un cœur pur. Et son cœur n'accepte pas la purification. Et donc son cœur n'accepte pas le changement. Et donc, si le lieu n'est pas pur et n'accepte pas la purification, alors il est comme une terre qui est dure. Une terre qui va être trop dure et qui ne se mélange pas à l'eau. À partir du moment où cette terre ne se mélange pas à l'eau, alors elle ne va pas pouvoir faire pousser quoi que ce soit comme plante, comme végétation. Car elle n'a pas la capacité et elle n'accepte pas l'eau. Et ça nous rappelle, barakallahu fikoum, cette parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, elle nous rappelle un hadith très connu dans Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim. D'après Abu Hurairah radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna masala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jal min al-huda wal-ilm kamasali ghaysin asaba ardan. Certes, l'exemple de ce avec quoi Allah Azza wa Jal m'a envoyé, tel que la guidée et la science, est semblable à l'exemple d'une pluie. Une pluie qui va atteindre une terre. فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءِ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ والعشب الكثير. Et donc il y avait une part de cette terre qui a reçu l'eau de la pluie. C'était une bonne terre. Elle a accepté l'eau. Et elle a fait pousser beaucoup de plantes et de végétation. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. Il y avait une autre partie de cette terre qui, elle, c'était une terre qui était ferme, mais qui a retenu l'eau. Elle n'a pas laissé l'eau partir. Donc elle n'a pas absorbé l'eau, mais elle a laissé l'eau et elle l'a retenue. Alors à ce moment-là, Allah en a fait profiter aux gens. Ils ont pu boire, ils ont pu donc abreuver leurs animaux, leurs bêtes, etc. Ils ont pu profiter de cette eau. Elle va la retenir et être profitable. وَأَصَابَتْ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً. Et cette pluie, elle a touché une autre parcelle de terre. Cette autre parcelle de terre, elle ne retient pas l'eau et elle ne va pas non plus faire pousser des plantes. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَا فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمْ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà l'exemple de celui qui a pris et qui a compris la religion d'Allah. Alors Allah lui a permis de profiter de cela, de ce avec quoi il m'a envoyé. Celui-ci a donc appris et il a enseigné. Donc les deux premiers groupes, les deux premières terres, elles ont pu être profitables aux autres. Une va être plus profitable que l'autre, mais l'autre reste profitable. Chacune des deux terres est profitable en fonction de ses capacités. Et la troisième terre est celle qu'il cite à la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de celui qui n'accorde aucune importance à ce avec quoi Allah m'a envoyé et qui n'accepte pas la guidée d'Allah, celle avec laquelle j'ai été envoyé. Et donc certaines personnes, tu peux leur dire plusieurs fois « Qala Allah, Qala Rasulullah ». Allah a dit, le messager a dit. Il le sait lui-même. Mais le cœur n'est pas pur afin de pouvoir accepter cette parole et œuvrer avec cette parole. Certaines personnes pensent que ce sujet ne concerne que les incroyants qui n'acceptent pas « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah ». Non. Il se peut que le croyant, le musulman, dans un sujet précis, va tomber dans ce piège. Dans un sujet précis. Il va accepter ça. Il arrive jusqu'au 15e sujet. Un sujet qui va concerner sa passion ou autre. Il n'arrive pas. Il va rejeter ce texte. Ne va pas l'appliquer. Pourquoi ? Parce que le cœur n'est pas pur. Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ قَاسِيًا حَجَرِيًا لَا يَقْبَلُ تَزْكِيَةً وَلَا تُؤَثِّرُ فِيهِ النَّصَائِحُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِكُلِّ عِلْمٍ قَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, certes, si le cœur est dur comme de la pierre, n'accepte pas la purification. N'accepte pas la purification et que tous les conseils n'ont aucun impact sur ce cœur. Tous les conseils n'ont aucun impact sur son cœur. Alors celui-ci ne profitera pas de la science qu'on lui a enseignée. De la même manière que la terre qui est trop dure, même si toute pluie va atteindre cette terre, et même si tous les efforts vont être fournis pour cela, alors cette terre ne fera pas pousser de végétation. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala concernant ce type de personne, إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Certes, ceux contre qui la parole de ton Seigneur se réalise, ceux-là ne croiront pas. La parole de ton Seigneur s'applique sur eux, ceux-là ne croiront pas. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve de faire partie de ce type de personnes. Il continue, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit, Allah le Très-Haut qui dit, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala, et même si nous faisons descendre les anges vers eux, et si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah le veut. Subhanallah. Si on faisait descendre les anges, et on faisait parler les morts, et on ressuscitait toutes choses, on rassemblait toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah le veut. Subhanallah. Il continue, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit, il nous cite encore un autre verset. قل انظروا ما في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Méditez dans ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et certes, les signes et les avertissements ne profitent pas au peuple qui ne croit pas. Il dit Ibn al-Qayyim après avoir cité ces versets, وهذا في القرآن كثير فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا. Il nous dit cela, ce genre de versets, les versets qui vont dans ce sens, sont nombreux dans le Coran. Et donc si le cœur est dur, alors la science ne sera nullement profitable à ce cœur. La science ne fera rien. Et donc il est important, barakallahu fikoum, à ce qu'on travaille sur nos cœurs, à ce que on fasse en sorte que nos cœurs ne soient pas durs. Car une fois que le cœur est dur, il n'accepte pas. Une fois que le cœur est dur, la science, la connaissance ne lui est pas profitable. Et d'ailleurs, la personne qui a un cœur dur, il lui devient difficile de se débarrasser du diable et de ses insufflations. Elle n'arrive pas, elle a du mal à combattre contre le diable et à dire non. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Afin qu'Allah fasse que ce que Shaitan, Allah fasse d'une fitna, ou du moins afin qu'Allah fasse que ce que Shaitan place dans le cœur de ceux qui ont une maladie dans leur cœur, et ceux qui ont les cœurs durs, afin qu'Allah en fasse une fitna, une tentation. Et donc ces gens qui ont le cœur dur, le cœur malade, tout ce que Shaitan va essayer va être une tentation pour eux. Ils n'arriveront pas, ils ont du mal à dire non. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous parle de certains dont leurs cœurs sont devenus durs après qu'ils aient vu les signes, ils ont vu les preuves et leurs cœurs sont devenus durs. Il dit tabaraka wa ta'ala, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Et ensuite vos cœurs sont devenus durs après cela. Ils étaient comme la pierre, ou plus durs encore. Ces gens-là, ce qui s'est passé, c'est que ils étaient avec Moussa, alayhi salam. Ils ont vu plein de signes, ils ont vu des miracles. Et l'un d'entre eux fut tué. Moussa leur a demandé de chercher la vache. Et vous connaissez cette histoire de la vache. Comment ils se sont rendus les choses difficiles. Mais ensuite, une fois qu'ils ont trouvé la vache, Moussa leur a ordonné de frapper le corps du mort avec une partie du corps de la vache. Et alors, Allah tabaraka wa ta'ala, par cet acte, a donné vie au mort. Et il a dit qui l'a tué. Il a dit qui l'a tué. Et donc ces gens-là, ils ont vu les signes. Ils voient ce miracle, un homme qui est mort, qui se lève après donc avoir été tué, et qui dit c'est un tel qui m'a tué. Et donc, normalement, on est censé, après cela, accepter la vérité. Khalas, c'est bon, on accepte, on a regardé tous ces signes. Non. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Vos cœurs se sont endurcis après cela. Ils sont devenus comme de la pierre ou plus durs encore. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Et certes, il y a des pierres qui vont donc se fendre pour laisser passer des ruisseaux. Donc elles ne sont pas si dures que ça. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. Il y a des pierres qui vont se fendre et il y a de l'eau qui va en sortir. De cette dureté va sortir de l'eau. Mais ça ne sera pas comme un ruisseau comme les pierres précédentes. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Il y a parmi des pierres, parmi les pierres, celles qui vont tomber, chuter des montagnes par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais l'être humain, il va être plus dur que ces pierres. Les savants du tafsir, ils nous disent, alors que la pierre est plus dure que le métal. Parfois, certains, lorsqu'ils entendent ça, ils se disent, comment ça la pierre plus dure que le métal ? Ils nous disent, lorsque tu fais fondre le métal, lorsque tu mets le métal au feu, à une forte température, le métal va fondre. Le métal va fondre. Alors vas-y, fais fondre de la pierre. Fais fondre de la pierre. Elle est dure. Il faut que tu la casses, mais elle ne va pas fondre. Et donc, il est important qu'on comprenne, ô chers frères, que nous devons tout faire pour éviter d'avoir un cœur dur. Mais quelles sont les causes qui entraînent le fait d'avoir un cœur dur? C'est ça la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Quelles sont les causes qui vont faire qu'un individu peut avoir un cœur dur et qu'ensuite il n'accepte plus la vérité? Eh bien, la réponse, elle est simple, cher frère, ce sont les péchés. Ce sont les péchés que tu fais qui font que tu as un cœur dur et qui fait qu'après, tu n'acceptes plus la vérité. Parfois, tu te demandes comment se fait-il qu'il y a des gens, ils sont sur la sunna, et ensuite, ils dévient. Et il se peut que ce soit les péchés qui font cela. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. À cause du fait qu'ils ont rompu leurs engagements, nous les avons maudits. Et nous avons fait de leurs cœurs des cœurs durs. Quels engagements? Oh, chers frères, tout ce qu'il y a dans la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est un engagement pour nous. Tu as dit, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Tu obéis à Allah, tabaraka wa ta'ala, et tu suis le messager d'Allah. C'est un engagement que nous avons tous. Nous devons obéir à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu vas rompre cet engagement, tu t'exposes à des conséquences terribles. Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, « وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَرِيضًا مَهِينًا مَائِيًا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لا يؤثر فيه العلم. سبحان الله. Ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous cite une autre maladie. On n'a pas encore fini. Et donc maintenant que tu as compris que tu dois délaisser les péchés, car les péchés sont un danger pour toi, arrêtons de minimiser les péchés que nous faisons. Que ce soit les frères ou les sœurs, on est là, oui, mais c'est rien, c'est bon. C'est bon, alhamdoulilah, j'ai ma barbe et mon kamis. La sœur qui te dit, c'est bon, alhamdoulilah, j'ai mon jilbab. Mais on est là dans des péchés et dans des péchés. On minimise nos actes. Jusqu'à ce que ces péchés soient la cause que ton cœur soit dur. Et que tu n'acceptes plus la vérité. Et donc il nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, et aussi d'ailleurs, lorsque le cœur est malade, faible, et qu'il est liquide, qui n'a aucune fermeté. Il est liquide, il n'a aucune fermeté. Et il n'a pas de force. Alors la science ne lui sera pas profitable. La science ne lui sera pas profitable. Lui, c'est l'opposé du cœur dur. Il n'a aucune fermeté dans son cœur. Celui-ci n'a pas la capacité de faire face aux difficultés. Car son cœur est trop liquide. Il ne faut pas que ton cœur soit dur, mais ça ne veut pas dire que ton cœur doit être liquide. Certains pensent que le cœur doit être liquide, tout le monde est bien, tout est beau, on ne blâme personne, on est tous copains, machallah. Hein? Un cœur liquide. Cette personne n'a pas la force de faire face aux difficultés. Cette personne connaît la vérité, mais elle ne va pas rester ferme sur la vérité car le cœur est trop faible. Le cœur est trop faible, ne peut pas faire face aux difficultés. Il y a une fitna qui arrive. Ses amis sont tombés dans une déviance parce qu'ils ont suivi les sites internet déviants, les sites internet qui se font passer pour des sites sur la sunna, hein, ilm shar'i et compagnie là. Et donc ses amis ont suivi ce site et puis ben lui aussi, il se dit, mais si, Comment faire? Je vais faire face à tous mes amis, une quinzaine. Je vais leur dire quoi, moi? Comment on va faire pour manger des tacos avec eux après? Ils vont jamais m'inviter, ça va être difficile, je vais être tout seul. Comment faire? Bon ben, c'est pas grave. Allez, on dit comme tout le monde, on rentre pas dans la fitna, comme ça tout le monde est bien avec moi, on est gentil, alhamdoulilah, on a mangé les tacos, c'est alhamdoulilah. Un cœur faible, qu'on balade à droite à gauche. Nous avons besoin de cœurs qui soient fermes sur la vérité. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. Lorsqu'ils ont fait face à Jalout et ses armées, ils dirent: ô Seigneur, place dans nos cœurs l'endurance. Afri alayna sabran. Accorde-nous l'endurance et raffermis nos pas. On a besoin qu'Allah nous raffermisse, ô chers frères. On a besoin qu'Allah raffermisse nos cœurs. Car si Allah ne raffermit pas nos cœurs, comment on va faire pour tenir lors des épreuves, lors des fitanes? إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنْ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Lorsque ton Seigneur a fait révélation aux anges, certes je suis avec vous, alors raffermissez ceux qui ont cru. On a besoin d'être raffermis, il ne faut pas que nos cœurs soient liquides, ça va être trop difficile de faire face aux difficultés. Trop difficile. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre: ثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah raffermit ceux qui ont cru sur la parole de fermeté. Ah, la parole la ilaha illallah, Allah l'a appelée la parole de fermeté. On va nous dire: oui, t'es trop dur. Pourquoi je suis trop dur? C'est quoi dur? On te dit: oui, t'es carré, t'es trop dur. C'est quoi? Lorsqu'on te décrit ce que tu es, ben oui, mais en fait, c'est juste que je suis ferme, c'est tout. Allah, il a dit, j'ai fait ce qu'Allah a dit. Le prophète, il a dit, j'ai fait ce que le prophète, c'est ça. Mais c'est pas être dur, c'est être ferme. Il faut faire la différence entre la fermeté et la dureté. Allah raffermit ceux qui ont cru par la parole de fermeté, ici-bas et dans l'au-delà. Nous avons besoin de fermeté, aux chers frères. Et donc nous invoquons Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il nous raffermisse nos cœurs sur la vérité et qu'il nous éloigne de la dureté et de son opposé, le fait d'être trop mou. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la guider et de nous permettre de profiter de la science que nous apprenons. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.